Il est midi passé de 56 minutes dans les studios de la radio télé, de la radio-télévision Sanganilo. Bonjour et bienvenue à ce journal de la mi-journée de ce 3 décembre 2021. Au sommaire de cette édition, certaines personnes vivant avec handicap ont opté de faire du petit commerce pour subvenir à leurs besoins. Au lieu de s'adonner à la mendicité au moment où l'on célèbre la journée internationale des personnes vivant avec handicap, ces personnes exposent les difficultés qu'elles rencontrent et demandent d'être appuyées. Incompréhension et inquiétude de certains propriétaires de véhicules qui assistent ces derniers temps à l'enlèvement par les policiers des plaques d'immatriculation sur leurs véhicules. Lors du stationnement au centre-ville, la police en commune Mukaza affirme qu'il s'agit d'une mesure de sécurité. La chronique environnement de ce vendredi traite de la gestion écologique des sites d'extraction des minéraux. Voilà pour l'essentiel. Au micro, vous êtes avec Armel Moutore. La mise en onde est assurée par Eli Kadogo. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Rebonjour. Les compétiteurs du rallye automobile se sont bien préparés pour agrémenter les cérémonies de la 6e édition de cette course qui se déroule en Ngozi ce samedi et dimanche. Adone Gamillé, directeur des courses au sein de la Fédération burundaise des clubs automobiles, tranquillise les amateurs de ce sport que tout a été préparé pour leur permettre de mieux assister à cette compétition. Il les appelle par ailleurs au respect des mesures barrières contre la COVID-19 durant la compétition. Suivez-le au micro de Jean-Marie Vianney Ngendakouman. Le club automobile du Burundi va organiser un rallye ce week-end, le week-end du 4 et du 5 décembre, dans la province de Ngozi. Les préparations continuent. La semaine dernière, le comité d'organisation a fait une descente sur terrain pour essayer de réparer les routes ainsi que les ponts sur les routes où le rallye va passer. Oui, ce rallye verra la participation des équipes venant de la Zambie, du Rwanda, ici au pays, les équipes comme Awandin Rally Team, l'équipe Messager, l'équipe Autopaint, l'équipe New Oil Rally Team, Bukera, Momo Rally Team, et j'en passe. Ce sont les équipes qui vont participer à ce rallye de Ngozi, 6e édition 2021. Un rallye qui clôture l'année, qui clôture le championnat national du Burundi des rallyes. C'est pour cela qu'il y aura la participation de plusieurs équipes. Quel est le sort des équipes qui seront classées premières? Concernant les prix qu'on va attribuer aux gagnants de ce rallye, sont principalement les prix que le club automobile a obtenus. Ce sont ces prix qu'on va attribuer aux gagnants de ce rallye. Et quel appel lancer aux amateurs qui viendront assister à cette 6e édition de rallye? Ce que on demande aux spectateurs de rallye, aux amoureux du sport automobile au Burundi, c'est de venir regarder ce rallye et aussi on les informe qu'on a préparé un viewpoint qui leur a été dédié afin de pouvoir regarder en toute tranquillité le rallye. Le club automobile profite de cette occasion à demander aux spectateurs de mettre en place les mesures prises par le gouvernement du Burundi pour la lutte contre le COVID-19. On encourage les gens à porter leurs masques. Eh bien, les habitants de la province Rutana saluent l'ouverture de cette province, de bureau provincial plutôt, d'octroi des documents administratifs, notamment l'attestation de nos poursuites. Le directeur de ce bureau ouvert par le gouvernement du Burundi, appuyé par le programme des Nations Unies pour le développement PNUD, indique que ce bureau est venu à point nommé. Il facilite la population de Rutana qui devrait faire de longs trajets pour aller demander certains documents à Bujumbura. Les détails avec Évariste Ndikobanyang. Ce bureau provincial de Rutana est composé de 4 départements. Il s'agit de celui chargé d'octroyer les attestations de nos poursuites judiciaires, ceux chargés d'octroyer les passeports, les cartes CPGL et laissez-passer, et celui chargé d'octroyer les permis de conduire. Créé au mois de mars en 2020, ce bureau a déjà servi beaucoup à la population de Rutana, indique Fermé Barutwanayo, directeur du dit bureau. Au niveau de l'identification judiciaire, nous avons déjà eu des demandes de 2976 extraits du casier judiciaire au niveau du passeport 8, au niveau du CPGL 4 et au niveau du laissez-passer 175. Au niveau du permis de conduire, le permis provisoire 343 et le permis définitif 50. La population de Rutana saluent le service rendu par ce bureau qui est venu leur limiter de long trajet qu'elle effectuait avant pour aller solliciter certains documents à Bujumbura. Témoignage de ceux qui étaient venus récupérer leur laissez-passer. Le défi ne manque pas à ce bureau provincial. Son directeur, Firmé Bartonayo, lance un cri d'alarme à l'endroit du gouvernement et au programme des Nations Unies pour le développement. Mais nous demandons aussi qu'au niveau de ce temps qu'aimait ces documents pour nous parvenir, qu'il y ait une amélioration pour gagner la confiance de ceux qui viennent demander des services au niveau de ce guichet unique. Et aussi, on aimerait au niveau de la police judiciaire, au niveau des extraits, si ça pouvait être informatisé et que la confection, ça se fasse ici, et que même si on doit délivrer le document, qu'on le donne ici, mais au niveau du déplacement, lorsqu'il s'agit du suivi de ces dossiers, il nous est tellement difficile car nous n'avons pas de moyens de déplacement. Si le PNUD pouvait aider pour que nous puissions avoir ce moyen de déplacement, ça serait mieux. Malgré que les natifs de Rutana apprécient les services rendus par son bureau, certains s'indignent. Ils ont avoué à la radio Isanganiro que le document octroyé par la PAF tarde à les parvenir. L'exemple le plus parlant étant de ceux qui ont demandé ces documents au début du mois d'octobre de l'année en cours. Depuis Rutana, Evariste Nzikobanyanga, radio Isanganiro. Nous disons merci à Évariste Nzikobanyanga. Certaines personnes vivant avec handicap ont opté de faire du petit commerce afin d'éviter de mendier. Certaines de ces dernières vendent des unités de recharge et d'autres des fruits au centre-ville. Au moment où l'on célèbre chaque 3 décembre la journée mondiale des personnes vivant avec handicap, ils affirment qu'ils sont des fois malmenés et demandent d'être appuyés. Le reportage est signé Moïse Misago. Certaines de ces personnes sont handicapées au niveau des jambes et d'autres au niveau des bras. Certaines d'entre elles vendent des fruits comme des mangues, des alliances et d'autres des couvertures des documents. Ces personnes vivant avec handicap affirment que leur petit commerce leur permet de subvenir aux besoins de leur famille. Elles ajoutent qu'elles font cette activité pour éviter de mendier. Nous sommes rendus compte que le phénomène de mendier est humiliant pour nous. Si quelqu'un te donne 5 francs bout, cela signifie qu'il souhaite que tu restes. On voit ici des différents articles comme des mangues, des oranges et des mandarines. Elles affirment aussi qu'elles sont des fois malmenées suite au manque de place pour exercer leurs activités. Le manque des capitaux suffisants et la place pour exercer leurs activités constituent des défis auxquels elles font face. Elles plaident pour un appui. Ces personnes vivant avec handicap appellent d'autres à les emboîter le pas et éviter de quémander. Cela est ainsi au moment où, le 9 août 2019, le gouvernement a mis en place un comité national pour les droits des personnes handicapées au Burundi. Isanganiro, la radio de l'avenir. 13h passées de 5 minutes dans les studios de la radio-télévision Isanganiro. Poursuivons avec ce journal. La population burundaise est appelée à ne pas attaquer les hippopotames s'ils approchent leurs habitations. Les propos sont du directeur général de l'Office burundais pour la protection de l'environnement au BPE. Cela est dit au moment où les habitants du quartier Oyua en zone Kinindo se sont plaints qu'un hippopotame vient depuis quelques temps dans leur quartier et que ce dernier cause la panique. Berkima Seatungimana indique que des études sont en train d'être menés pour voir comment cet hippopotame puisse rester dans l'eau. Suivez-le. Bon, à voir comment donc le quartier est né, comment le quartier est érigé, et on peut dire que peut-être il n'y a pas eu respect donc des maîtres qui doivent être laissés sur donc les lacs ou bien sur les rivières. Normalement, les hippopotames, ce sont des herbivores et ils sortent toujours donc les nuits pour chercher donc de quoi manger. Normalement, l'hippopotame réagit quand il est agressé. Donc, il faut que la population laisse donc de l'agresser, laisse donc de faire des brouilles ou bien de faire des attroupements au passage de cet hippopotame. Et comme ça, quand les techniciens auront terminé donc leur analyse donc du comportement de cet hippopotame, on pourra statuer sur donc des mesures pour arrêter ou bien pour limiter les mouvements de cet hippopotame dans cet endroit. Je vous l'annonçais dans les titres, les véhicules stationnés sur certaines avenues au centre-ville de Bujumbura voient leurs plaques d'immatriculation enlevées par la police. Cette opération inquiète ceux qui se sont entretenus avec nos reporters. Ils disent d'ailleurs ne pas comprendre la mesure du fait qu'il n'y a même pas de panneau d'interdiction de stationnement sur ces avenues. Le commissaire communal de la police en commune Mukaza précise qu'il s'agit d'une mesure de sécurité Pour Guillaume Magogwa, ceux qui sont sanctionnés sont ceux qui désobéissent plutôt aux policiers. Aubin Nyonghur. Cette opération d'enlever les plaques d'immatriculation aux véhicules accusés de mauvais stationnement est faite aux véhicules qui sont stationnés sur certaines avenues du centre-ville de Bujumbura. Il s'agit notamment à la chaussée Patrice Lumumba, en partant du siège de la société de télécommunication Lumitel vers la cathédrale Regina Mundi ou même du côté de la société de télécommunication Onatel. La même opération se fait du côté des bâtiments abritant le Palais des Arts, devant la galerie idéale jusqu'au magasin de téléphone Obama Shop. Pour enlever ces plaques, les policiers soit utilisent des tournevis, soit ils les arrachent de force. Les propriétaires de ces véhicules dénoncent la mesure du fait qu'il n'y a même pas de panneau d'interdiction de stationnement sur presque toutes les parties de cette voirie urbaine. Le commissaire communal de la police à Mukaza parle d'une mesure de sécurité. Pour ceux qui sont sanctionnés, le commissaire Guillaume Magogwa explique qu'il s'agit de ceux qui se rebellent à l'appel des policiers. Ils sont, précise-t-il, renvoyés par la suite à la police de sécurité routière pour payer une amende avant que les plaques d'immatriculation ne leur soient restituées. Ben Nyonghuru, la suspension des commissions spécialisées de la diaspora est fondée sur les statuts régissant la diaspora burundaise. Cela a été dit par Venuste Niyongabo, secrétaire général et porte-parole de la diaspora. Il a précisé qu'il n'y a pas de nécessité de faire des changements, qu'il y a plutôt nécessité de faire des changements dans le bureau de la diaspora, dans le but d'assurer une bonne continuité des travaux de celle-ci. C'est après la décision sortie le 2 décembre, suspendant toutes les commissions de la diaspora burundaise. Écoutez plutôt Venuste Niyongabo, il est secrétaire et porte-parole de la diaspora burundaise. Les propos ont été recueillis par Médard Niyonghuru. Je suis ici pour éclaircir de la lettre qui a été émise hier pour suspendre toutes les commissions spécialisées dans la diaspora burundaise. La diaspora burundaise, ce que nous parlons, c'est la période de 2017 à 2021, donc jusqu'à la nouvelle élection. Maintenant, comme il y a des nouveaux dirigeants, conseil d'administration et comité exécutif, nous avons souhaité de ne pas travailler dans la confusion. Donc, le mandat a été terminé en 29 juillet 2021. Donc, nous sommes en train d'établir une autre directive de la diaspora. Donc, nous parlons de la comité exécutif et le conseil d'administration. Nous souhaitions que les commissions qui ont été nommées par les dirigeants de l'exécutif et de Jafet, qu'ils arrêtent les fonctions en attendant que les dirigeants nouveaux de la diaspora prennent des décisions sur les commissions qui vont suivre ces prochaines 3 années. Suite de cette suspension, c'est sûr que nous allons aussi dialoguer avec les dirigeants. Il y en a des représentants de diaspora qui ont été élus démocratiquement. Il y en a des autres pays que les dirigeants sont nommés mais ne sont pas élus. Mais pour le bien de la diaspora, mais aussi il y a la nécessité de faire des changements dans le bureau de la diaspora pour que nous évitons qu'il y ait des problèmes de qualité. Mais c'est normal quand il y a une organisation internationale qu'il y a toujours des choses à changer, mais nous sommes dans une bonne voie pour délivrer des choses positives pour notre pays. Les cas de violence physique, sexuelle et psychologique basée sur le genre sont fréquemment dénoncés dans la plupart des communes en province Karusi. Comme l'a souligné le gouverneur de cette province lors d'une réunion organisée à l'intention des intervenants dans la lutte contre les violences basées sur le genre ce jeudi. Le médecin provincial fait savoir que ces violences constituent un problème de santé publique. La direction provinciale de développement familial indique quant à elle que la lutte contre les violences nécessite encore des actions en synergie. Les intervenants dans le secteur horticole au Burundi rencontrent divers problèmes, dont l'insuffisance du matériel et les problèmes liés au courant électrique. Propos de certains participants au salon horticole qui se tient à Bujumbura. Ils demandent des soutiens, notamment les sensibilisations à l'augmentation de la production des matières premières et la baisse du courant par les transformateurs du secteur horticole en vue d'exportation de leurs produits. Radio Isanganiro, chronique environnement. Chronique environnement, le recyclage de l'eau utilisée lors de l'extraction des minéraux est l'un des moyens pour limiter les effets néfastes liés à cette extraction. Explication de Prudence Bararouignelete, environnementaliste et professeur d'université, et recommande en outre l'isolement des débris issus de l'extraction des minéraux. Lydie Gahimbari. Dans la chronique précédente, le chercheur environnementaliste a expliqué le processus des activités d'extraction des minéraux et les impacts négatifs sur l'environnement et la vie humaine. Aujourd'hui, Prudence Bararouignelete, professeur à l'Université du Burundi, explique que la réutilisation des eaux usées est l'un des moyens qui permettent à réduire les effets néfastes liés à l'extraction des minéraux. Quand je dis par exemple que l'activité minière est consommatrice d'eau, on peut par exemple penser à un recyclage d'eau ou bien même collecter l'eau de pluie, on peut procéder à un recyclage, ce qui limiterait le pompage d'eau de la nappe phréatique ou des cours d'eau sont à côté. On peut penser par exemple à l'utilisation de l'énergie renouvelable comme l'énergie éolienne, ce qui limiterait l'utilisation des carburants. Il y a moyen de réduire les déchets qui sont produits et il faut recourir à des méthodes plus sécuritaires. L'environnementaliste ajoute que les sites ouverts doivent être fermés convenablement pour une bonne réhabilitation. Si vous visitez les sites miniers, vous trouverez toujours des trous qui sont là, qui n'ont pas été fermés. Les espèces végétales de réhabilitation, normalement, quand on fait la réhabilitation, on s'arrange à ce que la zone puisse retourner dans des conditions plus ou moins similaires à ce que le site était avant l'activité minière. Mais quand vous visitez aujourd'hui certains sites miniers artisanaux qui ont été abandonnés, vraiment, c'est pas rassurant. Il y a moyen d'éviter l'utilisation des substances très toxiques, faire recours à des substances moins toxiques parce qu'il y a toute une variété et il y a moyen de choisir la moins dangereuse possible. Ce qui est très important, donc, c'est la gestion d'impact. Selon Prudence Bararouignelete, environnementaliste, le gouvernement doit veiller à ce que les risques et impacts négatifs soient diminués. Eh bien, c'est par cette chronique environnement que nous mettons en point final à ce journal. Merci de nous avoir prêté une oreille attentive. Bonne journée à toutes et à tous.